Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Rêve d'enfant, l'archéologie fait rêver, mais les archéologues rêvent-ils? Tout occupé à fouiller quelques sépultures dans des gestes mécaniques et automatisés, l'archéologue médite-t-il sur l'individu qu'il vient d'exhumer? Au nom de la science, de l'objectivité, rien n'est moins sûr. Pourtant, en science, on ne trouve que ce que l'on cherche dans cette quête. L'archéologue a donc fort intérêt à faire preuve d'imagination. Si la science a pour but de repousser les limites de l'inconnu, un grand astrophysicien le proclamait, la science, c'est de l'imagination. De fait, la préhistoire est si pauvre de vestiges, de témoins matériels, qu'elle doit être imaginée à défaut d'être fantasmée. À la demande de la chaîne Arte, anthropologues et préhistoriens ont tenté l'aventure. Méditer sur un scénario plausible et accessible à tous, le résultat, un film de 52 minutes passé en prime time un soir d'avril, Le fils de Néandertal ou le récit de nos origines, le magazine de l'archéologie de France Culture, s'en fait ce soir l'écho. Nicolas Tessandier, bonjour. Bonjour. Préhistorien chargé de recherche au CNRS, vous travaillez sur cette période charnière entre la disparition de Néandertal et l'arrivée de l'homme moderne Cro-Magnon, période clé de notre épopée humaine. Tout commence au Pays basque espagnol par la découverte d'une sépulture, une sépulture paléolithique. Oui, en fait, le film retrace effectivement l'aventure, l'épopée de scientifiques qui découvrent qu'une sépulture va être mise aux enchères par un fermier basque et donc se rendent pour l'authentifier, découvrent effectivement des silex associés à cette sépulture, en entreprennent l'étude avec l'accord de ce paysan basque et donc ils vont pouvoir emporter cette sépulture qui avait été prélevée en bloc par des archéologues à une époque inconnue à ce moment-là et ensuite l'emmener donc en laboratoire pour mener leur enquête. Les sépultures paléolithiques sont rares, qu'elles soient d'ailleurs de Néandertal ou de Cro-Magnon. Oui, c'est vrai qu'en préhistoire, il faut bien se rendre compte que d'une part, c'est assez exceptionnel de trouver des sépultures. Ensuite, il faut prouver que c'est réellement une sépulture, qu'on est vraiment face à une inhumation volontaire, ce qui est complexe. Il y a tout un faisceau d'arguments et de preuves archéologiques à réunir pour authentifier la sépulture. Et il est vrai que pour le paléolithique, c'est quelques dizaines, on va dire peut-être une cinquantaine ou de Néandertal et plus pour Homo sapiens, mais c'est vraiment un document tout à fait exceptionnel pour la communauté quand une découverte de sépulture est annoncée. On en a quelques-unes en France ? On en a quelques-unes en France, bien évidemment. Les premières sépultures, si on parle de Néandertal, c'est autour de 120 000 ans avec le site israélien en Israël de Tabun. Puis ensuite, celles de Néandertal qu'on connaît en Europe sont plutôt autour de 50, 60 000 ans. Et là, on en a toute une série, notamment en Aquitaine, par exemple. On a Kafsé et Karaba aussi. Et Kafsé, effectivement, ou Skoul et Kafsé, qui là sont pour Homo sapiens sapiens. Donc les premières d'Homo sapiens sapiens autour de 100 000 ans. Et ensuite en Eurasie, à partir du moment où l'homme moderne, sapiens sapiens, se développe en Europe et en Asie, là, on suit ce phénomène, les rites funéraires de nos ancêtres à travers sa progression. La sépulture partiellement fouillée en 1922 proviendrait d'une grotte géorgienne, c'est bien ça ? Oui, l'histoire là se place dans une grotte qui s'appelle Zayuko-Voko, donc en Géorgie, la Géorgie étant effectivement pour les grandes migrations humaines et pas seulement celle d'Homo sapiens sapiens, étant une région clé, disons une espèce de pont géographique entre le Proche-Orient, l'Asie et l'Europe. Quoi. On est à une porte d'accès, donc la Géorgie a toujours été, et notamment depuis les découvertes beaucoup plus anciennes, la de Dmanissi, donc avec vraiment les premiers peuplements européens. Donc, Zayuko-Voko, je ne la connaissais pas cette grotte, mais Dmanissi est un site absolument majeur, avec une diversité humaine incroyable. Oui, Dmanissi, c'est donc les premiers Européens, et la diversité est telle, parmi les fossiles très anciens, là on est bien au-delà d'un million d'années, la diversité est telle que, effectivement, les anthropologues qui ont publié ces fossiles proposent de remettre en cause, en fait, les notions d'espèce anciennes, en préhistoire, et d'assimiler la variabilité très large de ces fossiles à un groupe quasiment Homo sapiens, enfin eux ils parlent plutôt d'Homo erectus, mais on pourrait dire en fait qu'il ne verrait pas la frontière d'Homo sapiens de façon très récente, mais sûrement beaucoup plus ancienne, avec une forte variabilité à l'intérieur des types humains. Nicolas Descendier, vous rapportez donc cette tombe en France et vous allez la fouiller en laboratoire. C'est une pratique qui se fait désormais ? C'est une pratique qui se fait et qui s'est fait aussi dans le passé. Hein. Beaucoup de nos collègues ont procédé de la sorte, hein, dans le sens où l'urgence des fois de la fouille sur le terrain et la minutie qui demande la fouille d'une sépulture peut rendre plus commode effectivement de la prélever, les plâtrer. C'était beaucoup fait anciennement. Maintenant, on privilégierait bien évidemment une fouille sur le terrain quand les moyens sont possibles, parce qu'on va quand même rester plus près du contexte archéologique et avoir peut-être un faisceau d'arguments et une possibilité de réunir des faisceaux d'arguments plus grands. Mais à l'époque, en tout cas, et au début du XXe siècle, c'était quelque chose de courant. Et là, c'est ce qui a dû se passer lors de cette découverte dans les années 20. Et le bloc prélevé, le crâne séparé, ce qui était une pratique assez commune, de séparer le crâne du reste du corps, le crâne étant censé comporter le plus grand nombre d'informations pour les anthropologues anciens. Et donc voilà, et ensuite on avait ces blocs plâtrés avec le sédiment, et la fouille pouvait être entreprise en laboratoire. Alors ça va être une fouille extrêmement minutieuse qui va être réalisée par vous et le professeur Boulet, donc à Bordeaux. Voilà, on a bien sûr là, et qui dit fouille d'une sépulture demande de réunir un certain nombre de spécialistes. Hein. Moi, préhistorien, on va dire généraliste, je n'avais pas toutes les compétences pour mener à bien la fouille de cette sépulture, et donc on s'est entouré notamment d'un éminent spécialiste anthropologue physique, hein, vraiment un spécialiste biologique. Anthropologue biologique qui est vraiment sur lui habitué à fouiller des sépultures, des contextes funéraires, et à identifier donc les ossements et les caractères de ces ossements pour en déterminer bien sûr les individus. C'est une opération très longue ? Oui, c'est une opération qui dans le film est bien sûr largement condensée, mais qui a pris plusieurs semaines, parce qu'il fallait surtout, on était hors sol un petit peu, hors site, donc il ne fallait pas rater tout élément, même tout petit ou très fin, pour pouvoir contextualiser ou tenter de contextualiser ce fossile. La reprise de la fouille dans un laboratoire de Bordeaux crée la stupeur. Le professeur Boulet détermine une femme cro-magnon morte en couche. Oui, bah c'est la surprise. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait un squelette inhumé, mais c'est au moment de la fouille du bassin, donc d'un individu qui au départ n'était pas attribué. Il est très difficile, hein, sur la base des os, hormis sur certaines portions d'os, il est souvent difficile d'établir une bonne diagnose sexuelle. C'est au moment de la fouille de la zone du bassin que, effectivement, le professeur Boulet a noté l'apparition de petits os. Et ces petits os, en connexion anatomique, se sont révélés être en connexion anatomique petit à petit. Et en fait, se sont révélés être ceux d'un fœtus. Ce qui a permis peu à peu d'établir effectivement la diagnose d'une femme, donc de connaître le sexe de l'individu adulte, morte en couche et porteuse d'un fœtus en voie d'expulsion et certainement ayant causé le décès des deux individus, de la maman et l'enfant. C'est un phénomène très rare de découvrir ça ? Oui, archéologiquement, en tout cas dans les temps anciens, dans les temps paléolithiques, c'est vraiment très très rare, oui. Il y a un exemple récent qu'on pourrait citer, qui est un site qui a à peu près 7 à 8 000 ans, au sud de la Sibérie, près du lac Baïkal, où effectivement a été trouvée une femme morte en couche, qui était porteuse de deux jumeaux, et il a pu être défini que la mort des individus était liée au processus d'accouchement. Mais c'est effectivement quelque chose, on en connaît d'autres dans des temps moins anciens, hein, au néolithique, en proto-histoire et dans les périodes historiques, mais pour le paléolithique, c'est me semble-t-il, inédit. Cette femme, elle appartient à quel groupe humain, Nicolas Descendier ? Alors cette femme, on a pu combiner donc différents types d'analyses, hein, à la fois l'analyse morphologique de l'anatomie de ses ossements et de son anatomie, et on a eu la chance d'avoir les résultats d'analyse paléogénétique, hein, qui est vraiment une avancée considérable dans nos connaissances sur le passé ces 15 dernières années, et la femme est clairement et indubitablement Homo sapiens sapiens. Une femme morte en couche, c'est un rêve pour tout anthropologue, le croisement de deux mots savants, deux approches méthodologiques, la phylogénèse et l'ontogénèse. Oui, bah oui, on a là, on peut croiser effectivement les relations de parenté, parce que femme morte en couche, les relations de parenté, si on peut déterminer qu'elle est morte en couche, les relations de parenté ne se posent plus, donc la phylogénèse est évidemment au cœur de la découverte, et l'ontogénèse, parce qu'on a, avec des individus à différents âges de maturation, on est aussi en plein dans l'étude du développement progressif des êtres vivants depuis leur conception jusqu'à leur âge mature et leur mort. Donc effectivement, oui, on a la croisée de ces deux grands concept. D'axe de recherche. En tout cas, la femme est bien sûr Cro-Magnon, mais elle porte un métis de Néandertalien, de première génération. Oui, ben alors c'est là où la stupeur est arrivée. C'est effectivement au départ, c'est la morphologie de certains os du nouveau-né qui, pour l'anthropologue qui nous accompagnait, donc le professeur Boulet, a la morphologie notamment du fémur. C'est quelqu'un qui avait étudié de très près des bébés néandertaliens en contexte clairement néandertalien. Je pense au bébé de la Ferracie ou plus récemment au bébé du Moustier en Dordogne. Et voilà, la morphologie de certains caractères, de certaines parties des os, notamment là du fémur, sa courbure, sa largeur, la largeur des épiphyses, a évoqué, par des comparaisons très fines, vraiment des caractères surprenants et qui différenciaient ce nouveau-né de nouveau-né sapiens, et le rapprochait plutôt de nouveau-né néandertalien. On n'aurait pas pu, je pense, aller au bout de la preuve si les analyses paléogénétiques n'avaient pas marché. C'est-à-dire que là, il a fallu un autre faisceau de preuves pour confirmer les dires du professeur Boulet. Nicolas Tessandier, nous voici aux sources du métissage primitif, le métissage primitif auquel personne ne pense, une leçon contre les races, la xénophobie. Oui, alors c'est sûr que oui, si on peut imaginer même bien avant qu'en préhistoire les métissages ont été permanents. Alors une leçon contre les races et la xénophobie, certainement. Après le débat, les scientifiques ont une position qui n'est pas facile, je pense, sur ce débat, parce que on voit bien aujourd'hui que suffisamment d'études, que ça soit anthropologie physique ou maintenant génétique, montrent bien qu'il n'y a pas de race humaine. Mais pour autant, on voit bien aussi que ce n'est pas simplement par l'affirmation scientifique que les races humaines n'existent pas que le racisme s'éteint. C'est à mon sens parce que le racisme est aussi à un ancrage socio-économique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement en allant dans du biologique et en montrant que biologiquement les races n'existent pas. Et ça, c'est un fait scientifique. Je pense que c'est une certitude. On le voit par la parenté génétique de populations très variées à la surface de la planète aujourd'hui qui ont des rapprochements génétiques très forts, qu'ils soient originaires d'Afrique, d'Asie ou de je ne sais quel endroit de la planète. Mais pour autant, les bases du racisme étant surtout socio-économiques, on voit bien que on n'est pas là juste dans une affaire de science et que finalement on est tous concernés par ce débat et que les scientifiques n'ont pas plus à... Voilà, on est sur des questions morales, je pense, et dont il faut combattre les racines qui sont plus socio-économiques que biologiques, je pense. Voici une quinzaine d'années, João Zilao, grand préhistorien portugais, avait découvert un hybride néandertalo-cromagnon. La communauté des anthropologues avait alors poussé, bien sûr, des cris. Oui, ça c'est une découverte donc fin des années 90 au Portugal, au nord de Lisbonne. Avec une date donc pour un enfant inhumé donc dans une sépulture, un enfant de 4 ou 5 ans je crois, dans un contexte culturel qu'on appelle le Gravesien, qui est une grande civilisation pan-européenne du Paléolithique supérieur. Et effectivement, les caractères morphologiques des ossements de ce jeune enfant, présentés pour les personnes qui ont fait l'étude, donc João Zilao et l'anthropologue américain Eric Rinkhaus, présentaient des caractères dérivés à la fois de Néandertal et de l'homme moderne. Eric Rinkhaus étant lui convaincu depuis le début qu'on était dans une histoire qui était plus multirégionale, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des foyers d'apparition d'Homo sapiens à différents endroits de la planète, ce qui était quelque chose qui avait été soutenu par différents anthropologues dans les années 50, 60, 70, je pense à Milford Wolpoff par exemple. Et du coup, ils en ont fait un hybride. Ça a été très fortement contesté parce que, notamment, il est difficile de... Les caractères dérivés, ceux qui vont permettre l'identification de l'espèce de l'individu ou du type de l'individu, sont moins marqués chez les juvéniles que chez les adultes. Donc ça a été aussi beaucoup critiqué par le fait que sur des os secs, entre guillemets, on ne pouvait pas reconnaître une forme d'hybridation et que surtout le caractère juvénile de l'enterré, de l'inhumé, ne permettait pas la reconnaissance certaine de ces caractères dérivés. En préhistoire, ne faut-il pas s'attendre à tout? Pour preuve, les résultats du laboratoire génétique du Max Planck Institute sur le séquençage du génome humain. Grande découverte. Oui, c'est une découverte, c'est sûr, fondamentale. En fait, beaucoup de collègues anthropologues physiques parlaient de possibilités de métissage depuis très très très longtemps. Ça a émaillé tout le XXe siècle, en fait. Mais ça a été d'abord mis en cause par la génétique dans les années 80-90, avec l'idée de lèvres africaines et l'idée que tous les Homo sapiens actuels seraient issus d'un petit groupe d'ancêtres en Afrique de l'Est. Donc la génétique au départ, et quand la paléogénétique, les études sur l'ADN ancien se sont fondées, a au départ contesté l'idée du métissage. pour finalement, il y a une dizaine d'années ou un peu plus, à arriver à la constatation grâce à l'ADN nucléaire et non plus simplement l'ADN mitochondrial qui ne se transmet que par les mamans, pour arriver finalement à la preuve du métissage et de ce 1 à 4% que nous posséderions, nous, population eurasienne, au contraire des populations africaines qui, elles, ne posséderaient pas ces traces de ce métissage, puisque le métissage aurait eu lieu une fois que ces populations sapiens sapiens seraient sorties d'Afrique. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. 3% de gènes néandertaliens en nous, c'est assez peu. Mais comment se concrétiserait cet héritage? On sait par exemple que Néandertal était roux. Oui, effectivement, et il y a beaucoup de... Alors c'est très dur d'avoir du recul pour moi là-dessus, hein, parce que je ne suis pas du tout biologiste, et donc c'est il faut s'imaginer que ce sont des papiers hein, qui isolent des gènes, qui sont d'une grande complexité. Mais effectivement, donc il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui s'intéressent, on va dire, à la façon dont ce mélange avec Néandertal influencerait les traits cliniques, on pourrait dire, des hommes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les relations entre l'ADN de Néandertal qu'on aurait en nous et un large éventail de traits qui sont à la fois immunologiques, dermatologiques, neurologiques, psychiatriques. Donc effectivement, le gène qui donnerait la couleur rousse des cheveux serait issu de ce... préexisterait déjà chez Néandertal et donc devrait trouver là son origine. Également, on va trouver beaucoup de recherches qui montrent que certaines variantes génétiques dont nous sommes faits hein, proviennent de Néandertal et ont un lien, il y aurait un lien entre ces variantes génétiques issues de ces métissages et des maladies. On a parlé du risque accru, effectivement, des maladies de la dérépression, d'infarctus du myocarde, de troubles sanguins type de coagulation, etc. Et de l'addiction aussi. Et oui, l'addiction rentre dans les maladies dépressives là, à ce niveau-là. Et effectivement, ça a été publié. Donc là, ça peut paraître étrange peut-être à nos auditeurs, hein, mais c'est vraiment publié dans les grandes revues internationales de sciences dures. Hein. En médecine, c'est des recherches qui, en France, par exemple, sont conduites par des équipes affiliées à l'Institut Pasteur. La croyance populaire relate d'étranges histoires. Le Yéti est l'abominable de l'Himalaya, ce que l'Almasti est aux chênes du Caucase, les femelles agressant sexuellement les pauvres bergers modernes. Pourrions-nous avoir un tel individu dans notre vieille Europe néandertale s'il a survécu? Oui, alors là, on arrive à, effectivement, où le film monte crescendo, on va dire, dans cette histoire un peu exceptionnelle de cette découverte. Là, je dois bien dire qu'aujourd'hui, on aurait des difficultés, je pense, à le penser et à l'identifier, et qu'on va mêler mythologie et science quasiment, donc peut-être faut-il poursuivre un petit peu le processus du film pour voir où on peut arriver. Ce volontaire s'appelle Max Martel. Et il est l'individu connu à ce jour pour avoir le taux de gènes néandertaliens le plus élevé au monde, 66%. Un phénomène à lui tout seul. D'ailleurs, certains aspects de son comportement au quotidien ont attiré l'attention du professeur Chazut. Il est un amoureux de la nature, dont il peut parler pendant des heures et pratique dans son propre jardin la permaculture. Une technique écologique qui consiste à utiliser le moins d'eau possible pour faire pousser les plantes. Néandertal, justement, se démarque de Sapiens par le respect dont il a toujours fait preuve pour l'environnement et la capacité qui fut la sienne de vivre des centaines de milliers d'années en harmonie totale avec la nature. Le professeur Chasuble pose en conséquence l'hypothèse que la sensibilité écologique qui n'est pas partagé loin s'en faut par tous les humains d'aujourd'hui, proviendrait de la prééminence de ces gènes archaïques. 66% de gènes néandertaliens, la seconde partie de votre enquête, passe du possible au sympathique improbable. On continue à regarder pour voir jusqu'où pourront aller les scientifiques fort sympathiques. Notre néandertalien contemporain va subir une série de tests. Quel est son métier par exemple ? Alors c'est un informaticien, un programmeur internet, donc quelqu'un de son temps, même à la pointe de son temps. Pourquoi moi avoir monté ce canular puisque c'en est un ? Pourquoi l'avoir monté ? C'est que on a essayé d'aller vers quelque chose d'un peu pédagogique, c'est-à-dire qu'on était bon déjà il y avait une commande, hein, Arte, il faut reconnaître là une certaine audace à Arte qui fait aussi du documentaire très classique. Il y a eu une forme d'audace de vouloir, par rapport à la date de diffusion, hein, qui était le 1er avril, à vouloir produire un documentaire. Donc à se servir d'une histoire fausse. Et notre but à nous, avec Jacques Mitch, le réalisateur, a été en fait si vous voulez, dans ce canular, les faits sont faux, c'est-à-dire que cette sépulture n'a jamais existé. Donc les faits sont faux, donc il y a une falsification des faits, mais qui est là pour faire réfléchir sur la falsification des connaissances. Et dans le sens où, finalement, nos faits sont faux, mais ils sont pas si faux que ça. C'est-à-dire la découverte en tant que telle n'a pas existé, ce métis n'existe pas, mais tout ce qui est dit autour de l'histoire de Néandertal et de Sapiens, du métissage, des pathologies liées à ce métissage, etc., est en cours d'étude, mais souvent est annoncé, est publié dans des revues scientifiques, etc. Et que, du coup, ça peut nous permettre je trouve, c'est un peu ça peut avoir des vertus pédagogiques, on va dire, effectivement, de montrer comment, par des arcanes de fiction, on peut faire réfléchir sur la construction de la connaissance et surtout sur une alerte que doivent avoir tout citoyen sur sa façon d'appréhender les faits et de montrer comment des faits tordus dans ce cas-là peuvent amener à une histoire auquel on va finir par croire. 66% de gènes, ça fait beaucoup quand même. Ça fait quoi? Ça fait un métis de Néandertal avec un Cro-Magnon métis de Néandertal, c'est ça à peu près, non? Oui, bon, 66% c'est complètement improbable. On a joué ensuite, c'est-à-dire que le film commence de façon plutôt crédible, même si certaines choses sont fausses, comme la sépulture dont on parlait. Et puis après, ben voilà, il fallait monter dans le canular et il fallait trouver des artifices qui soient à la fois intéressants à pister. Donc là, on continue à pister ce métissage et en même temps qui a un effet comique, qu'on puisse aussi s'amuser et que les gens puissent s'amuser avec ce film. Alors là, le 66%, il est bien sûr complètement improbable, même si il faut bien s'imaginer que il a existé. Il a sûrement dû exister dans le sens où on sait par exemple que le premier Homo sapiens sapiens connu en Europe aujourd'hui, donc qui a été découvert sur un site en Roumanie qui s'appelle Oase, donc qui date d'environ 36-38 000 ans avant le présent. Les généticiens déterminent que il serait le fruit d'un métissage avec Néandertal qui aurait eu lieu 5 ou 6 générations avant la survenue de cet Homo sapiens sapiens-là. Donc il serait le descendant d'un métissage qui ne serait que 5 ou 6 générations avant lui. Et il a combien de pourcents de... Je crois que pour Oase, ils sont à 10 ou une grosse dizaine. Donc de toute façon, on sait qu'il y a eu une dilution de notre pourcentage, de ce pourcentage hérité du métissage avec Néandertal, et on sait qu'il y a eu une dilution peu à peu. Donc aujourd'hui, le 66% est totalement impossible, mais en remontant le temps, on trouverait des taux plus importants. Développeur internet particulièrement à l'aise avec la technologie, néandertalien amoureux de la nature, écologiste en harmonie donc avec la nature. Dans la réhabilitation de Néandertal, depuis quelque temps, les préhistoriens n'en font-ils pas trop au point de créer un bon sauvage rousseauiste ? Si, c'est aussi pour ça qu'on a voulu le dépeindre ainsi. Moi, ça m'amusait parce que c'est complètement anachronique le côté Néandertal écolo, dans le sens où l'écologie, c'est une question de notre temps à nous. Je sais pas si ces ancêtres-là avaient des interrogations là-dessus. Après, qu'ils vivent en équilibre avec leur nature, oui, on voit bien que les sociétés de chasseurs-cueilleurs, en général, ont plutôt des vies équilibrées dans leur rapport à la nature. Mais après, le côté écolo, parce qu'aujourd'hui, on nous vend des régimes paléolithiques, on nous vend tout un tas de choses qui seraient sains pour nous dans cette espèce de retour à une forme ancestrale. Alors que Néandertal, on peut en citer un aspect, mais par exemple, a été des fois gâcheur, des fois gaspillé, tué des bisons pour ne pas les manger. Bon voilà, on est dans quelque chose d'anachronique en parlant d'une question de notre temps. En tout cas, Marcelotte le clame. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Vous voulez sauver notre espèce? Revenez à un mode de vie Néandertal? Oui, bah là, c'est notre collègue, effectivement, Marcelotte, qui est grand humaniste et qui a effectivement un regard très tendre, je pense, et très tendre sur le rapport qu'entretenaient ces gens avec leur équilibre, avec leur monde naturel. Justement, reste que ce film est aussi un regard tendre, mais aussi une critique de votre profession? Critique, disons que oui, la critique elle porte sans doute sur cette façon qu'on a souvent en tant que scientifique de résumer, ça c'est normal, on a besoin de résumer pour transmettre, mais souvent d'être très sur les comment dire, d'oublier un peu que de quoi on parle et de ces hommes. Et on est rentré dans une phase où effectivement les progrès technologiques sont tels qu'on est dans une phase où on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les archéosciences, c'est-à-dire l'aide des sciences dures et des méthodes des sciences dures, entre guillemets, à notre science. Donc on va travailler avec des chimistes, des physiciens pour les datations, etc. Les paléogénéticiens aujourd'hui, et du coup on tend un petit peu à accumuler des dates, à accumuler du plus ancien, à accumuler des résultats très analytiques, et à en faire un petit peu la seule porte d'entrée sur ce passé. Et souvent ensuite c'est apposé, restitué au public et au grand public comme des vérités absolues. Et là il y a une façon aujourd'hui de se situer en science, hein, avec aussi des contraintes financières pour les chercheurs. On pourrait développer ces arguments où les chercheurs ont besoin d'avoir des choses sensationnelles pour monter des projets. Et du coup, on tend à restituer quelque chose aux citoyens et au public qui soit de l'ordre de la vérité absolue. Or, on voit bien que des remises en cause arrivent fréquemment et que voilà, il faut garder beaucoup de recul sur des progrès méthodologiques ou technologiques qui nous donnent des résultats saisissants, mais sur lesquels on n'a pas encore souvent le recul approprié. Donc il faudrait peut-être prendre des distances par rapport justement à la paléogénétique ? C'est pour moi, oui, des distances, oui, parce que c'est, quand on discute avec des, non pas des paléogénéticiens, mais des généticiens des populations, on voit bien que souvent les résultats sur le métissage ou sur les histoires de métissage ancien, des conséquences nous sont données dont on ne maîtrise pas encore du tout les implications, et souvent ça tend à ne parler que de biologie. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de ce qui se passait au niveau socio-économique qui a eu une importance fondamentale dans la dispersion de ces gens. Il faut pas oublier qu'on ne connaît quasiment rien encore des systèmes de parenté, par exemple des sociétés paléolithiques, et que les systèmes de parenté sont à la clé vraisemblablement des dispersions, des mélanges entre personnes, de comment se faisaient les règles exogamiques de ces groupes. Et que donc du coup on est, voilà, des fois un résultat et on va tracer une histoire sur 30 000 ans des dynamiques de peuplement au paléolithique supérieur. Non, on en est bien loin, et même si la génétique nous apporte beaucoup, elle ne lève pas tous les voiles sur le mystère des modes de vie et des dynamiques. Nicolas Tessandier, les chercheurs ne racontent-ils pas des scénarios plus ou moins appropriés ? La plus sérieuse revue scientifique au monde publiait que Lucie, la célèbre australopithèque de 3,5 millions d'années, serait tombée d'un arbre. Oui, j'ai vu passer. Bon, que... Oui, j'ai l'impression... Bien sûr, hein, arboricole. Alors, je sais pas pourquoi je connais pas bien l'histoire. Je sais pas pourquoi ils ont voulu la faire tomber de cet arbre. Mais voilà, on le voit dans certains docufictions là qu'on est dans de l'ordre de frapper les esprits par des images un peu clés. Et comme si on pouvait être certain que ces images sont réelles et ont réellement existé. Je crois que là, on est vraiment. Il faut que les gens, en tout cas, comprennent que à certains moments, on est dans de la fiction. Mais quand on est dans la fiction, il faudrait quand même le dire. On peut pas jouer sur les deux tableaux, et c'est un peu ce que voulait dénoncer le film. Pour vous, il est bon que les scientifiques s'interrogent sur la manière de transmettre la science. Or, la fiction est une des clés de voûte de la connaissance. Oui, je pense que la fiction, c'est. Je pense que en préhistoire, on n'est peut-être pas encore très mûr là-dessus. J'ai l'impression. Les historiens ont bien sûr beaucoup plus travaillé là-dessus, hein, notamment sur la portée du récit. La portée du récit en sciences historiques, c'est quelque chose qui a été très utilisé, puis qui a été dénoncé par l'école des annales, puis qui revient au goût du jour. Donc, on voit bien que le récit a un statut particulier. Je pense que la fiction a beaucoup de bienfaits, mais le problème est quand on fait, je trouve, dans les docufictions, passer la fiction pour science avérée. Pour... Quelles ont été les réactions des téléspectateurs, en deux mots ? En deux mots, vive. On a eu beaucoup de félicitations qui nous ont touchés, mais on a eu aussi beaucoup de réactions à chaud sur des gens désarçonnés qui avaient suivi l'histoire. En se mettant dans l'histoire et en y croyant, et qui du coup ont vécu ça un peu comme comme quelque chose d'une moquerie à certains moments. Nicolas Tessandier, merci beaucoup. À voir donc Le Fils de Néandertal, ou Le Récit de nos origines, produit par Gédéon, diffusé sur Arte, et dont le lien est sur la page de Carbone 14. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierre Faucillon et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou écouter plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se penche sur les temples mésopotamiens avec Dominique Charpin, professeur au Collège de France.